J'attends la vague de la mer, de mes larmes. J'attends la vague, pour l'instant j'ai le vague à l'âme. Une manigance dans mon dos, prépare des plans en cachette. Un jour tout se paye, rien ne s'achète. Partout je vois de la haine, les relations humaines, mes cœurs. J'ai peur des gens que j'aime car je leur ai confié mon cœur. Tout le monde m'entend, pourtant personne ne m'écoute. Je rêve de billets verts, pourtant ceux qui en ont me dégoûtent. J'ai le cœur qui pleure, les yeux qui saignent. Tu m'as fait tellement de mal, ne me dis pas que tu m'aimes. Mon âme sœur doit être perdue quelque part en Chine. Mais la gloire transformera le vilain petit canard en cygne. Le mic me console, lui seul me conseille. Qui sont ces personnes qui viennent voir mes concerts? C'est qu'on voudrait qu'on se taise. Y'a plein de choses qui me consternent, mais y'a ma mère qui a le cancer. Donc y'a que ça qui me concerne. J'ai peur de l'au-delà, du paranormal. Je prie pour trouver la foi, plutôt paradoxal. Ce soir, la lumière s'éteint sur le cirque. Égoïste, je ne pense qu'à mes disques. Certains disent que j'ai changé, ils mentent. Je ne suis pas d'ici, moi, ma planète me manque. Je pense à toutes ces fois où l'on m'a humilié. Papa, ne t'en fais pas, ton fils fait des milliers. Sois un homme, Florian, un jour tu seras père. Parfois j'ai honte de traîner avec Peter Pan, mais j'ai trop peur de le perdre. La vie contre la mort, la religion contre la science. Les étoiles m'ouvrent leurs bras, mais puis-je leur faire confiance? La vie de rappeur, entre les phases et le flow. Mes potes me disent qu'ils ont peur, que le big écrase le flow. Je suis un inventeur, à moi le concours l'épine. La vie m'a fait une fleur, mais j'ai bien trop peur des épines. Et je rappe pour les ringards, je rappe pour mes frères. Pour les regards discrets qui ont déjà vu l'enfer. Pour ce type un peu paumé qui rêve au fond de la classe. Pour cette gamine fragile qui n'aime pas se voir dans la classe. Pour ceux qui aiment pas trop traîner tard dans les boîtes ou les bars. Pour ceux qui pleurent le soir, tout seul dans le noir. Parce que s'il tombe un peu cool, moi je t'apporte une voile. Parce que j'ai promis à mon frère qu'on toucherait les étoiles. Je suis bling bling, ouais. Ça fait partie de mes fautes. Ils ont fait venir mon grand-père en bateau. Donc faut que je reparte en yacht. Et je rêve de la une. Je suis marié à ma plume, je la trompe avec la lune. Et puis je voudrais y croire. En Dieu, je vais devoir couper la poire. En deux, comment veux-tu que j'y vois? Sans yeux, mon frère est le même que moi. En mieux, laisse tomber flow, laisse couler l'eau, emporté par le flot. Je suis le prince d'un château de sable, instable, les yeux fixés sur la mer. J'attends la vague. Thank you.